Nous avons pour habitude le mercredi de parler de la recherche émergente, de donner la parole à de jeunes scientifiques qui viennent nous présenter leurs travaux de recherche. Aujourd'hui est une émission un peu spéciale en ce sens que nous avons réuni autour de la table de la méthode scientifique trois chercheuses et chercheurs à la notoriété montante. Certains ont été primés, d'autres cités dans des revues à haut facteur d'impact. Ils et elles sont tous les trois français, on pourrait les qualifier d'étoiles montantes de la recherche, chacun dans leur domaine, chimie, biologie, imagerie médicale et cancérogénèse. Bienvenue aujourd'hui dans la recherche de demain. La science a d'incroyables talents, c'est le titre extrêmement discutable de l'émission qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, une émission que je vais commencer par présenter, en me présentant mes excuses pour ce titre totalement navrant, à mes trois invités du jour. Merci en tout cas d'être ici, merci à tous les trois et bonjour Audrey Desgranges. Bonjour. Vous êtes post-doctorante à l'Institut Imagine et à l'Institut Pasteur, membre de l'équipe Morphogénèse du Cœur. Vous avez décroché pour votre part la bourse UNESCO L'Oréal pour poursuivre vos travaux de recherche sur les mécanismes d'asymétrie lors de la formation du cœur. Bonjour Raphaël Rodriguez. Bonjour. Vous êtes chimiste, directeur de recherche CNRS et chef d'équipe chimie et biologie du cancer à l'Institut Curie, lauréat du prix Tétraédron qui récompense les travaux prometteurs de jeunes chercheurs dans le domaine de la chimie organique. Et bonjour Olivier Touvenin. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'ESPCI, l'école supérieure de physique et de chimie industrielle, et vous avez été cité dans la revue Nature comme l'une des 11 étoiles montantes de la science dans un article titré « Ni plus ni moins, le monde est à leurs pieds ». C'est donc la crème de la crème, je le disais, du futur de la recherche qui est autour de cette table, peut-être même un futur ou une future prix Nobel, qui sait. Nous allons, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Nous allons passer cette heure en votre compagnie pour revenir sur vos travaux bien sûr, mais aussi sur vos parcours et sur la façon dont vous percevez votre avenir. Vous pouvez suivre, vous le savez, cette émission comme chaque jour en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur le site franceculture.fr ou en podcast via votre application préférée, mais toujours comme d'habitude en complément via notre fil Twitter où on poste eh bien, un certain nombre d'articles, de références auxquelles nous allons faire allusion dans cette émission. C'est sur le compte @laméthodefc. Alors, eh bien, Audrey Lagrange, commençons par vous. Encore une fois, merci d'être ici et bienvenue dans la méthode scientifique. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, peut-être nous expliquer en quelques mots, rapidement, de façon synthétique, et on aura le temps d'y revenir plus tard, la nature de vos travaux? Alors moi, je travaille, je fais de la biologie et je m'intéresse particulièrement à la formation du cœur, qui est le premier organe qui se forme dans l'embryon. Et j'essaie de comprendre quels sont les mécanismes moléculaires et cellulaires qui sont nécessaires à l'acquisition de la forme bien spécifique du cœur, qui est très importante, elle, pour sa fonction, qui est de pomper le sang d'une part oxygéné et de l'autre part désoxygéné. D'accord. Donc ça, c'est le point d'arrivée, c'est ce sur quoi vous travaillez oui. Maintenant. On va remonter l'échelle temporelle. Et il y a une question que j'aime bien poser aux scientifiques qui se retrouvent à ce micro, parce que c'est une question qu'on pose souvent à des artistes, mais que je trouve intéressante d'incarner dans le domaine de la recherche scientifique. La question de la vocation. Comment, à quel moment vous faites remonter votre intérêt pour les sciences et pas forcément pour ce domaine de recherche précisément, mais qu'est-ce qui, à un moment donné, a commencé à gratter, à toquer à la porte de votre curiosité intellectuelle ? Je pense que, comme tous les enfants, j'ai été très curieuse. J'ai été biberonnée aux émissions C'est pas sorcier, Il était une fois la vie. J'étais une addict de ça. Et puis, je pense que le déclic, il est venu au collège quand j'ai participé à un atelier un peu plus scientifique avec mon prof de sciences et vie de la Terre. Grâce à des ateliers, le développement de petites expériences, on a compris un peu la démarche scientifique. Et ça m'a vraiment étonnée, intéressée. On a rencontré des chercheurs. Et voilà, je pense que le déclic est venu là et je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. C'est d'emblée les sciences du vivant, c'est vraiment oui. Tout de suite. Oui, c'était vraiment les sciences du vivant, la nature en général, voilà, une curiosité pour l'observation de ce qui m'entoure, mais très vite la biologie en particulier. Est-ce que vous dites effectivement que c'est le principe de démarche scientifique, est-ce que c'est aussi lié, souvent on dit que les carrières sont initiées par une rencontre, il y a quelqu'un qui vous met un peu le pied à l'étrier, qui va ouvrir un peu justement votre champ d'intérêt, de conscience des sciences du vivant? Pas particulièrement. Alors, il y a des professeurs, évidemment, à la fac qui sont inspirants, qui nous disent « Ah, ça c'est vraiment un truc qui pourrait me plaire plus tard. » Et puis après, on teste, en fait. On teste pendant des stages, on teste pendant des conférences. On va voir les gens qui nous ont interloqués. Et puis, on met le pied à l'étrier nous-mêmes. et ensuite, on voit si ça nous plaît. Je pense que c'est ça le plus important. Vous faites votre scolarité en Vendée, jusqu'à une licence à La Roche-sur-Yon. Vous montez faire votre master et votre doctorat à Paris. Comment, donc vous partez dans les sciences du vivant, qu'est-ce qui vous met sur la piste? Comment est-ce que vous arrivez dans le domaine précisément de la morphogénèse? Alors j'avais envie de comprendre un peu plus de la biologie du développement, c'est-à-dire comment on passe d'une cellule œuf unique à un organisme multicellulaire, complexe, avec plein d'organes, etc. Et donc ça c'est la biologie du développement, ça a été ma spécialisation en master. Et puis après en thèse, je me suis intéressée à la formation des organes et à l'acquisition de leur forme. Donc ça c'est la morphogénèse. Et je pense que c'est vraiment très important et c'est facile de comprendre le lien qu'on peut faire entre l'acquisition de la forme d'un organe et sa fonction. Et on constate que dans l'acquisition de la forme, il y a vraiment beaucoup de sciences intéressantes qu'on peut mettre dedans. Il y a de la biologie, évidemment, de la génétique, de la biologie cellulaire, mais il y a aussi de la physique, de la chimie. Et donc c'est vraiment une discipline pluridisciplinaire, qui est passionnante au quotidien. Le choix du sujet de thèse, là aussi, c'est orienté par votre directeur ou votre directrice de thèse. C'est quelque chose que vous sentiez venir. C'est une décision, c'est un construct. Comment est-ce que vous l'interprétez? Oui, il y a une part de... quand on arrive en thèse, on arrive dans un laboratoire en général où il y a déjà une thématique qui est propre au laboratoire. Donc on s'inscrit là-dedans, on suit un peu les sujets du laboratoire. Et puis ensuite, il nous appartient aussi d'y mettre notre propre patte, les directions qu'on a envie d'y inscrire. Et moi, j'avais envie de développer des approches un peu plus d'imagerie, de suivi en temps réel. Et grâce à ça, j'ai développé une collaboration et je suis partie un an travailler en Finlande avec une autre équipe en Laponie pour développer ces approches-là. Et ça, c'était ma volonté. Et c'est aussi sur cette lignée-là que je suis revenue en France pour développer ce type d'outils, ce type d'analyse, cette fois pour l'étude de la morphogénèse du cœur. Le cœur, donc, ça va arriver plus tard. Juste un mot sur, parce que vous êtes tous partis à l'étranger, vous avez tous travaillé dans d'autres pays, c'est normal, c'est aujourd'hui le parcours classique de jeunes chercheurs. Quelle expérience vous retirez justement de cette année en Finlande et de la différence peut-être culturelle, d'approche scientifique, de moyens, de travaux, de rapports entre chercheurs par rapport à ce que vous connaissiez de la France? Alors c'était une expérience évidemment extrêmement enrichissante d'un point de vue culturel et scientifique. Scientifiquement, j'étais avec quelqu'un que je pourrais qualifier de MacGyver. vraiment, il Pourquoi était capable de tout construire. Je lui donnais une idée, un outil qui me manquait et voilà, en 2 minutes, il trouvait le moyen. C'était un collègue ou? Oui, c'était un collègue qui était chercheur lui et voilà, c'était vraiment passionnant de travailler avec lui, des bioinformatiques. Informaticien également. Donc voilà, j'ai rencontré des gens qui avaient d'autres spécialités autres que la biologie du développement. Et ça, je pense que ça a fait aussi, ça a donné beaucoup d'impact à mes recherches. Donc vous revenez en France. Pourquoi dans la morphogénèse et dans ce champ large, vous le rétrécissez à la morphogénèse du cœur, André Desgranges? Alors je pense pas l'avoir rétréci, mais effectivement, je me suis spécialisée sur un autre organe qui m'intéressait. Aussi, et là de nouveau, c'est pas tant le sujet en particulier, mais c'est aussi des rencontres et un contexte de recherche qui m'intéressait particulièrement. Vous l'avez dit, je travaille à la fois à l'Institut Pasteur et à l'Institut Imagine, et donc il y a un panel de compétences et d'interactions possibles à la fois avec des physiciens, des mathématiciens à l'Institut Pasteur, mais aussi des cliniciens, des généticiens, cette fois à l'Institut Imagine. Et donc tout ça, c'est des outils vraiment formidables pour pouvoir développer les thématiques qui m'intéressent aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes obligé de creuser dans vos travaux de recherche toutes ces branches où vous avez, vous, une position de supervision de différents travaux, de différentes spécialités? Comment est-ce que ça s'organise? Donc moi, j'ai ma compétence de biologiste du développement, vraiment d'embryologiste, avec voilà, ce que ça comporte, d'analyse d'expression de gènes, d'analyse de comportement cellulaire. Et puis après, moi, je peux avoir aussi des questions qui sont plus larges et qui, là, du coup, font intervenir des gens qui ont d'autres compétences que moi, je n'ai pas, des physiciens, des mathématiciens, pour faire, par exemple, de la modélisation, ou des généticiens, pour essayer de comprendre un peu plus les implications qu'il pourrait y avoir chez l'homme. Alors maintenant qu'on est arrivé au présent, vous allez nous expliquer concrètement en quoi consistent vos travaux. Vous travaillez sur des modèles murins. Comment, en quoi ça consiste? Comment est-ce qu'on étudie aujourd'hui justement la morphogénèse du cœur? Et plus précisément, puisque c'est le but de votre post-doctorat, certains problèmes dans cette morphogénèse du cœur. Racontez-nous ça, Audrey Desgranges. J'ai travaillé principalement au début de mon post-doctorat avec un physicien qui avait élaboré un modèle sur ordinateur de la courbure du cœur. Donc c'est le phénomène que j'étudie, c'est-à-dire qu'initialement le cœur c'est un tube qui est droit et il va former une espèce d'hélice qui elle est très importante pour donner la position des futures chambres cardiaques et leur séparation. Et on sait que quand cette courbure se fait mal, potentiellement il y a des répercussions dans le fonctionnement du cœur, c'est-à-dire que le sang est par exemple mélangé parce qu'il y a une mauvaise séparation des chambres cardiaques. Et on estime qu'environ 20% de pathologies humaines correspondent à un problème de courbure cardiaque. Et donc on essaie, avec des modèles murins, vous l'avez dit, mais aussi des modèles informatiques, de tester les paramètres qui sont importants pour cette courbure. Donc on a des modèles animaux modifiés génétiquement où on s'amuse à jouer avec les asymétries potentiellement dans l'embryon, certains paramètres physiques pour potentiellement rendre la courbure mal formée, globalement, c'est ça. C'est-à-dire que vous utilisez des outils génétiques type CRISPR pour modifier, pour jouer sur certaines expressions génomiques. Exactement. Et pour avoir différents types de modèles, en sachant que le développement du cœur de la souris, je crois que c'est moins de 10 jours, c'est ça? Exactement, oui, c'est très tôt dans le développement, c'est 9 jours et demi de développement. C'est vraiment le premier organe qui se forme dans l'embryon, chez la souris, mais aussi chez l'homme. Et du coup, pour le moment, c'est de la recherche stricto sensu fondamentale, c'est-à-dire que vous ne travaillez que sur de modèles murins, ou est-ce que vous avez à terme l'objectif de l'appliquer, ou en tout cas d'identifier des gènes qui pourraient se retrouver dans le génome humain? Donc ça, c'est tout à fait ce pourquoi le projet, il s'implique aussi, il s'intègre parfaitement dans l'Institut Imagine. On travaille avec des généticiens qui, eux, ont des cohortes de patients, notamment à l'hôpital Necker, et qui, pour une pathologie cardiaque particulière, vont avoir potentiellement des gènes candidats. Et nous, on peut, biologiste du développement, par des techniques de CRISPR par exemple, modifier l'expression de ce gène et regarder l'effet de cette invalidation chez la souris et voir si on est capable de recréer ce modèle, recréer la pathologie et l'étudier par exemple dans notre modèle murin. Donc c'est tout à fait le genre d'application qu'on peut penser. Et ce qu'il y a du coup, là on est sur de la recherche fondamentale, sur de l'application, c'est-à-dire que là évidemment on pense à des pathologies cardiaques chez l'homme, je ne sais plus, il y a quelques chiffres, 1% des nouveaux-nés qui naissent avec une malformation cardiaque. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors si vous parlez application peut-être soignée, prise en charge peut-être de ce type de pathologie, alors on peut l'imaginer, bien que ce phénomène de courbure du tube cardiaque, donc chez l'homme c'est à 3 semaines de gestation. Donc rarement les femmes sont au courant de leur grossesse à ce moment-là. Donc c'est difficile de faire du diagnostic à proprement parler de ce type de malformation. En revanche, si on comprend mieux les bases génétiques de ces mécanismes, on peut imaginer qu'on fait du dépistage dans certaines familles, du conseil pour peut-être mieux prendre en charge les potentielles familles à problème pour ce type de maladie cardiaque. Il y a un exemple dans vos travaux qui s'appelle la double discordance. Qu'est-ce que c'est que la double discordance, Audrey Desgranges, racontez-nous. Globalement, c'est une mauvaise connexion des ventricules, des gros vaisseaux et des oreillettes. Et c'est une malformation qui est un petit peu bizarre parce qu'on ne comprend pas très bien ni comment elle se met en place dans l'embryon, ni les bases génétiques de cette maladie. Et donc ça, c'est un exemple typiquement d'application qu'on pourrait essayer d'avoir et d'interaction qu'on pourrait avoir entre les médecins et les biologistes à la paillasse. Vous avez donc demandé et obtenu cette bourse L'Oréal UNESCO, que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste et quel impact ça peut avoir sur vos recherches. Donc cette bourse, donc L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science, elle récompense 30 jeunes chercheuses, doctorantes, post-doctorantes, pour leurs travaux, leur implication aussi dans la vulgarisation, la diffusion de la science auprès du jeune public. Elle récompense, je pense, mon implication déjà et mes travaux précédents, mais aussi elle encourage les jeunes femmes à prendre leur carrière en main et aller encore plus loin. Donc, elle va me soutenir, moi, à poursuivre mes projets de recherche, notamment à mettre en place des collaborations avec des chercheurs à l'étranger qui ont des microscopes extrêmement puissants, notamment pour que je puisse faire de l'imagerie en temps réel et en trois dimensions. Du cœur, puisque c'est toute la problématique qu'on a ici. On sourit parce que votre voisin immédiatement à gauche a quelques mots à dire se à ce propos-là. Voilà. et voilà, et donc cette bourse, elle est aussi là pour me permettre de mettre en place ce type d'action de vulgarisation dont on parlait plus tôt, qui est aussi, je pense, très importante pour un chercheur, de justement susciter des vocations, et inspirer des jeunes filles peut-être à faire la même chose et le même parcours. Ce post-doctorat, ces travaux, ils vont s'étaler sur combien d'années a priori ? J'espère encore 2 ans, mais ensuite il faut avoir un poste pour pouvoir poursuivre ces travaux. Donc l'aventure commence bientôt. Comment vous envisagez votre futur ? Vous l'envisagez pour le moment poursuivre des recherches ici en France ? Vous avez des contacts avec des équipes à l'étranger ? Comment est-ce que, ou même la progression de votre sujet de recherche autour de la morphogénèse cardiaque, pardon ? Donc j'espère bien pouvoir développer ces outils d'analyse en 3 dimensions et en temps réel pour mes recherches. J'espère que ça va me servir à pouvoir avoir un poste ici en France. Parce que voilà, je pense que si on a des talents en France, ben, ce serait bien qu'ils restent en France et qu'on leur permette de pouvoir continuer à faire des recherches intéressantes et potentiellement importantes pour le grand public ici. Donc dans l'immédiat, mon objectif à court terme, ce serait d'avoir un poste ici. Mais évidemment que si ce n'est pas possible, j'irai faire de la recherche là où on me le permet. Et bon, vous restez avec nous, Audrey Desgranges. On va reparler tout à l'heure un peu justement de ses débuts de carrière. Et puis, à l'adresse de nos auditeurs et des jeunes chercheurs qui nous écoutent, on sait qu'ils sont nombreux, peut-être 2-3 questions justement sur des conseils que vous pourriez, qui sait, leur donner. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, deuxième invité autour de cette table, Raphaël Rodriguez. Vous avez été récompensé il y a quelques semaines par le prix Tetrahedron Young Investigator Award, qui est un prix qui récompense de jeunes chimistes prometteurs, principalement dans le domaine de la chimie organique. Pour la presse généraliste, dès qu'on parle de chimie, alors il faut évidemment faire référence à Breaking Bad et à Walter White, ce personnage de prof de chimie de lycée qui se met à faire de la drogue pour payer son traitement contre le cancer. On va s'en dispenser ici même, quoique j'ai lu dans une interview, Raphaël Rodriguez, que vous étiez capable de synthétiser n'importe quel type de drogue. A priori, c'est mon métier. Voilà, alors maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. C'est la première fois que ce prix Tetrahedron Young Investigator, qui a été créé en 2005, est décerné à un Français. C'est la preuve, vous le dites, hein, Raphaël Rodriguez, que la recherche française tient encore la corde aujourd'hui en chimie au niveau international. Oui, bien sûr, je pense qu'il y a des chercheurs qui ont beaucoup de talent en France. Malheureusement, il n'y a qu'un prix Tetrahedron chaque année, mais je pourrais nommer certains de mes collègues qui pourraient l'avoir. Je dois rappeler que ce prix en fait a été créé dans les années 80. C'est un prix qui fait suite au journal de référence qui s'appelle Tetrahedron, qui fait référence donc au tétraèdre de la molécule donc de CH4, qui est la plus petite molécule organique. Et donc en 2005, ce prix a été scindé en deux, un prix senior et un prix junior. Et donc je dois rendre hommage à mon collègue Henri Cagan, qui est un très grand savant, qui a eu ce prix Tetrahedron lui tardivement à l'âge de 69 ou 70 ans. Et donc je suis effectivement le premier Français à avoir le Young Investigator Award. C'est-à-dire la version espoir de ce prix Tetrahedron. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, Raphaël Rodriguez, en quoi consistent vos travaux ? Alors nos travaux, alors le travail d'un chimiste, bien entendu, est de comprendre la matière et d'arriver à contrôler la transformation de la matière. Et bien entendu, on peut utiliser cette expérience et ces connaissances pour étudier la biologie. Donc à l'Institut Curie, nous avons deux laboratoires, un laboratoire de chimie et un laboratoire de biologie. Donc un laboratoire de chimie qui nous permet de synthétiser les molécules que nous avons dessinées sur un papier, pour lesquelles nous pensons qu'il y aura des propriétés intéressantes. Et un laboratoire de biologie qui nous permet d'étudier les propriétés biologiques de ces molécules, à savoir comment une petite molécule peut altérer l'homéostasie normale d'une cellule. Et donc nous essayons de replacer cette stratégie dans le contexte du cancer, à savoir perturber les processus qui sont associés, peut-être responsables des cancers, et utiliser les petites molécules justement pour exploiter certaines particularités de ces cellules dans une visée thérapeutique. C'est-à-dire que vous êtes vraiment à cheval entre les deux disciplines? À cheval entre les deux disciplines par choix, parce que je me suis rendu compte il y a plusieurs années, ça remonte à 97-98, que la chimie pouvait avoir un gros impact sur les autres sciences. Ma vision de la situation, c'est que les sciences, la physique, la géologie, la biologie, ce sont des sciences qui relèvent énormément de l'observation. Si on ne parle pas des techniques qu'il faut développer dans ces disciplines. Et pour moi, la chimie, c'est une particularité où on peut se positionner peut-être un peu plus que les autres disciplines comme un acteur, à savoir on peut vraiment avoir la capacité de contrôler certains processus biologiques, et c'est le cas de toutes les drogues. Je vais vous reposer la même question qu'à votre camarade ici présente. Est-ce que vous croyez à la vocation? Il y a quelque chose à un moment donné qui s'éveille dans votre jeune conscience, je ne sais pas, de collégien, lycéen, qui vous dit à un moment donné, ici c'est quelque chose, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui attire ma pensée? Pour la chimie, pour la matière, probablement. Donc pour moi, ça remonte à loin. Avec ma sœur et mon frère, quand nous étions plus jeunes, nous avions l'habitude d'aller dans le garage de mon grand-père qui gardait de la limaille de fer et des aimants. Donc on s'amusait avec ça. Il avait aussi la fâcheuse habitude de collecter le mercure de tous les thermomètres qui brisaient. Donc on avait environ 1 kg ou 2 kg de mercure, on s'amusait avec. C'est-à-dire que c'est quand même le métal le plus toxique qui soit, donc c'était pas la meilleure des choses à faire. Et bon, ça m'a collé à la peau. Voilà, j'ai été éduqué à l'école Louis Pasteur. Ensuite, je suis né à l'école, à l'université, pardon. Je suis né à l'hôpital Sainte-Marthe, qui plus tard est devenu l'université. Donc, il y a quelque chose qui me colle à la peau, que je ne maîtrise pas, dont j'essaie de me débarrasser, mais ça ne marche pas. Vous avez commencé vos études dans le Sud. Vous avez passé votre doctorat à l'université d'Avignon. Pareil, à quel moment vous commencez à identifier ce qui va devenir votre domaine de recherche? Comment est-ce que vous passez d'études un peu généralistes, d'étudiants en sciences, à ce qui va vous amener justement à cette passerelle vers la chimie organique, disons? Alors c'est vrai que j'ai étudié à Avignon, mais je suis parti assez rapidement à l'université de Marseille où j'ai passé ma thèse. Et j'ai eu la chance d'avoir deux professeurs et chargés de recherche, donc Maurice Santelier et Cyril Olivier, qui avaient une très grande connaissance de la chimie et de la réactivité en synthèse, et qui avaient une très grande curiosité, une curiosité que je ne pense pas avoir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? la science, c'est un petit peu une mission pour moi. Donc, certains collègues qui ont le prix Nobel français, Jacob et Monod, disaient que la science, c'est l'anxiété et l'agonie de l'esprit qui permet d'être un bon scientifique et d'avoir des résultats, si bien qu'il faut faire preuve d'abnégation et de concentration sur la mission qui est la nôtre. Et donc j'ai mis ça en premier lieu. Et donc à Marseille, j'ai eu la chance justement d'avoir des gens qui étaient très curieux, qui m'ont un petit peu éveillé à ce qu'était la matière et le contrôle de la réactivité. Et j'ai ensuite pu passer une partie de ma thèse à l'université d'Oxford, rencontrer Sir Jack Baldwin, qui est un des plus grands chimistes de notre époque. Et ensuite partir à l'université de Cambridge, où j'ai pu étudier d'autres aspects plus supramoléculaires, moins de synthèse, mais plus de compréhension de comment les molécules interagissent les unes avec les autres, qui m'ont naturellement amené vers la biologie. Justement, votre sujet de thèse, sur quoi portait-il? Vous l'avez fait en co-tutelle entre l'Université de Marseille et Oxford? Alors, mon sujet de thèse, explicitement, c'était de synthétiser des analogues de la vitamine D, qui par ailleurs n'est pas une vitamine, donc qui dérive d'une photolyse d'un dérivé du cholestérol, par un processus qu'on appelle processus péricyclique, donc qui fait appel à un état de transition qui est cyclique. Et il se trouve que ces processus péricycliques sont régis par des règles universelles, donc qui ne sont pas sujettes à l'évolution darwinienne, qui permettent de prédire la réactivité, à savoir si on part d'un substrat particulier, qu'on utilise soit de la lumière, soit une température plus élevée, on peut arriver à prédire quel sera le produit d'arrivée. Ce qui est extrêmement puissant en chimie organique, parce qu'on peut prédire la complexité qui va être générée. Et donc la vitamine D, ça fait appel à une réaction qu'on appelle sigmatropion 7. Et il y a d'autres réactions de cycloaddition de Diels-Alder, par exemple, que j'ai étudiées à Oxford, ou d'autres réactions d'électrorecyclisation qui permettent de transformer un substrat complexe en un autre substrat d'une autre complexité. Et donc, je voulais avoir la même mise sur les trois types de réactions péricycliques pour vraiment avoir cette connaissance là. Là on est sur de la chimie certes organique mais moins appliquée à la biologie que ce que vous allez faire ensuite vraiment à proprement parler sur les cellules cancéreuses. Effectivement, c'est très fondamental, ce sont donc des réactions qui sont ce que l'on appelle sous contrôle orbitalaire. Et donc la partie qui est amusante, c'est que ces réactions ont été les règles qui régissent ces réactions ont été bien définies par Woodward, qui est une des personnes qui a créé le journal Tétraédron avec Robinson. Voilà, donc ce sont les deux personnes qui ont créé le journal, après qui a donné naissance à ce prix. Et donc c'est ce qui me fascine le plus moi, dans la chimie organique, ce sont les règles de Woodward et Hoffman qui permettent de comprendre cette réactivité. Ce sont des règles extrêmement complexes, que peu de gens comprennent et maîtrisent, et qu'on oublie très rapidement quand on ne les pratique pas, et c'est la grande puissance de la chimie organique pour moi. C'est cette complexité, c'est ce côté ardu à la tâche qui représente une sorte d'enjeu intellectuel pour vous ? Oui, c'est vraiment un enjeu intellectuel. Je me rappelle avoir écrit un article qui a sollicité tous les neurones de mon cerveau pour vraiment comprendre et maîtriser ces règles. C'est vraiment la compréhension de la matière et la maîtrise de la matière, et quand on maîtrise la matière, on maîtrise la vie. Et quand on maîtrise la vie, bien entendu, d'un point de vue thérapeutique, on a un très gros potentiel. Méfiez-vous, parce que vous n'êtes pas loin de la tentation démiurgique. Méfiez-vous. Une question également sur cette expérience à l'étranger. Qu'est-ce que vous apportez ces passages par ces universités hyper prestigieuses que sont Oxford et Cambridge par rapport à votre expérience de la recherche ici en France ? Alors, c'est vrai qu'il y a des grosses différences entre les systèmes anglo-saxons et les systèmes français. Qui sont très complémentaires d'ailleurs, c'est ce dont j'ai pu bénéficier en fait, être dans les deux universités, les trois universités avec Cambridge. Il y a le système, déjà la pratique, la manière dont la recherche est orchestrée en Angleterre est vraiment différente. Il n'y a pas de chercheur permanent dans les grandes équipes, donc il y a un chef d'équipe qui lui a un poste permanent, c'est le chef d'équipe, et puis il a des post-docs dans son équipe, donc il y a un turnover qui est relativement rapide, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui partent. Ce qui fait que c'est bien parce qu'il y a toujours du sang neuf qui permet de rafraîchir, apporter des idées nouvelles, mais ce qui rend la tâche plus difficile parce que c'est compliqué de pérenniser une recherche sur du long terme. L'historique s'en va, il faut recréer une historique, il faut reformer des gens. Donc c'est compliqué à la fois, mais ça permet aussi de se réinventer, d'être tout le temps original. Voilà. En France, c'est un petit peu différent. On a la capacité justement d'avoir des maîtres de conférences ou des postes de chargés de recherche qui permet de pérenniser la recherche, et c'est une grosse force, c'est la force de notre pays. J'espère qu'on ne la perdra pas. Qui permettra à ma collègue d'avoir un poste en France d'ailleurs et d'utiliser son talent en France. Mais ça a d'autres inconvénients qui sont liés au fait que très rapidement, effectivement, on peut perdre de vue la mission qui est la nôtre, à savoir essayer d'être toujours original, essayer d'être toujours dans l'inconfort, à savoir être dans des problématiques qui sont toujours engageantes, complexes. Et à partir du moment où on se sent trop à l'aise dans une thématique, il faut changer. C'est mon idée. Inconfort, anxiété, agonie, c'est une épreuve de force d'être chercheur, selon vous, Raphaël Rodriguez. Ouais, disons que ça a servi notre pays de penser comme ça, effectivement. Une question, et vous restez donc 7 ans en Angleterre, vous êtes revenu en France au CNRS en 2012 au sein de l'Institut de chimie des sciences naturelles. Pour y faire quoi ? Vers quoi vous orientez vos recherches ? Je crois que c'est vers la chimie supramoléculaire. Alors, l'ICSN, c'est un très grand centre de chimie historiquement qui est connu parce que deux drogues utilisées en clinique en cancéro sont sorties de cet institut. Donc le taxotère, je rappelle que drogue au sens large, c'est médicaments. Médicaments, hein, voilà. Donc le taxotère et la navelbine. Et à l'époque où j'étais à Cambridge, donc le professeur Max Malacreia de l'UPMC à Paris m'a contacté pour me demander de l'aider à construire justement la thématique que l'on appelle chémobiologie en France, chemical biology au sens plus anglo-saxon. Donc chimie biologique, c'est-à-dire voilà, exactement. Donc l'utilisation bio-organique, pourrait-on dire. Voilà, l'utilisation des principes universels de la chimie, de la réactivité pour comprendre les processus biologiques, en particulier impliqués dans les cancers. Et donc c'était une opportunité, à la fois une responsabilité, parce qu'il y a un gros patrimoine culturel de réactivité en synthèse à Gif-sur-Yvette, avec des gens qui ont fait les plus belles synthèses de molécules, de produits naturels. Donc à l'Institut de chimie des sciences naturelles. À l'Institut de chimie des substances naturelles. Et sans vouloir dire que j'ai fait le tour de cette chimie, loin de là, j'ai rapidement perçu la nécessité d'être à proximité d'un hôpital pour... être proche des patients, être proche des médecins, être proche des gens qui font de l'oncologie, parce qu'il y a vraiment des univers qui nous séparent entre vraiment la compréhension de ce qu'est le cancer, ce que ça représente, et les molécules et les grands enjeux qui sont les nôtres. Est-ce que ce serait une volonté, justement, après avoir fait, comme on l'a compris, de la recherche extrêmement fondamentale et extrêmement complexe, après avoir mis votre cerveau à l'agonie, d'arriver vers quelque chose de plus appliqué, justement, de faire un pas vers quelque chose qui reprenne plus pied dans l'univers justement de l'oncologie des patients? Disons que ça, c'est un petit peu la science au marteau, sans vouloir paraphraser Nietzsche, c'est une vision nietzschienne de la science. Je pense qu'effectivement nous avons une mission. C'est vrai que c'est difficile d'être un bon scientifique sans avoir de curiosité, mais on a quand même une responsabilité vis-à-vis des citoyens, en particulier les donateurs de l'Institut Curie qui financent avec beaucoup d'espoir nos recherches, sans qui on pourrait travailler. Et donc un des objectifs, c'est de convertir la connaissance académique qu'on arrive à générer dans le laboratoire, qui finit dans des textbooks qui sont utilisés dans des universités, en thérapie. Et je crois effectivement au gros potentiel de la physique et de la chimie appliquée à la biologie, qui permettent aux biologistes justement de développer des outils et d'approcher la biologie avec un angle qui est différent. Vous entrez donc à l'Institut Curie en 2015, vous y êtes encore. Parlez-nous justement bien de vos travaux actuels et de vos travaux notamment liés à la cancérogénèse et des cellules souches cancéreuses, qui est un concept qu'il va falloir que vous nous expliquiez en quelques mots. Alors, les cellules cancéreuses, donc il y a un aspect, je dirais que c'est quelque chose que j'ai perçu aussi très tôt dans ce que nous faisions en chimie. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, dans le Taxol, c'est un produit qui est anticancéreux et c'est un produit qui a la capacité de cibler des cellules qui se prolifèrent rapidement. Et quand vous prenez un cancer, une tumeur solide, vous avez une masse tumorale initiale qui est, je dirais, majoritairement constituée de cellules à prolifération rapide qui ne sont pas différenciées, donc qui ont perdu leur fonction du tissu, de l'organe dans lequel elles sont. Si bien que ces molécules fonctionnent très bien sur la masse tumorale. Maintenant, un cancer est aussi composé d'autres cellules, c'est pour ça qu'on parle d'hétérogénéité tumorale. Donc dans une tumeur, on peut envisager qu'il y ait autant de cellules différentes que de cellules qui sont présentes dans la tumeur. Si bien qu'il faudrait envisager d'avoir une molécule biologiquement active contre chacune de ces cellules. Et ce que nous autres chimistes avons trop longtemps ignoré, à mon sens, c'est justement cette population rare de cellules qui représente entre 1 et 2% des tumeurs solides qui se divisent très peu. Comme elles se divisent peu, elles ne sont pas susceptibles à ce type de traitement qui cible l'hyperprolifération. Si bien que quand vous traitez une tumeur solide avec du cisplatine ou du taxol, la masse tumorale va être réduite. Mais ces cellules vont persister, c'est pour ça qu'on les appelle persisteurs. Et donc il y a une notion qui relève justement de l'embryogenèse. Ce sont des cellules qui ont la capacité de changer leur programme d'expression génétique pour pouvoir se détacher de la tumeur primaire, migrer dans l'organisme et générer une tumeur secondaire. Et c'est pour ça qu'on les appelle les cellules souches cancéreuses, qui est peut-être un abus de langage, mais qui définit la capacité d'une cellule unique à générer un tissu, et un tissu qui est malsain, à savoir une métastase. Et donc ce que nous avons découvert à l'Institut, ce sont des molécules qui nous ont permis d'identifier une des faiblesses, je dirais un talon d'Achille de ces cellules. Et donc je retourne à mon enfance avec la limaille de fer de mon grand-père. Donc nous avons découvert effectivement que les cellules ont une addiction au fer. Donc ces cellules à propriété métastatique, elles ont besoin d'avoir plus de fer que d'autres parce que ce fer leur est utile dans le noyau pour contrôler l'expression des gènes mésenchymateux qui leur confèrent justement ces propriétés migratoires et d'invasion. Et c'est bien qu'on peut utiliser nos molécules pour modifier la réactivité du fer. Donc au lieu d'être dans le compartiment mitochondrial ou dans le noyau pour servir leurs fonctions qui leur permettent d'être métastatiques, nos molécules permettent de séquestrer le fer dans un autre organelle. Et au lieu donc de transformer l'expression des gènes, on crée un stress oxydatif, un stress oxydant, pour ne pas faire d'anglicisme, qui permet de tuer ces cellules. D'accord. Voilà. Et ça, c'est le cadre de vos recherches, et c'est pourquoi vous avez obtenu ce prix Tétraédron ? Non, ce prix Tétraédron, il m'a été donné sur, je dirais, l'intégralité de ce que j'ai fait, peut-être depuis ma thèse. Ces travaux ont été publiés tardivement, donc je ne pense pas qu'ils aient été évalués pour l'obtention du prix Tétraédron. Et bien entendu, ça nous a permis cette visibilité nous permet d'élargir nos recherches, de faire beaucoup plus de biologie, notamment dans le cadre d'une association dont je vous parlais, qui est le Sunrise, qui est une association... Sunrise pour Solid Tumor Cancer Stem Cell. Exactement, donc c'est une initiative qui vient des biologistes. Donc nous autres chimistes avons souvent la tendance de dire que la chimie-biologie, c'est une initiative qui vient des chimistes. Alors là, pour le coup, l'association Sunrise montre que ça n'est pas toujours le cas, donc c'est plutôt des biologistes du cancer qui sont venus vers la chimie. Et qui vient, je dirais, de plus du sud de la France, donc de Marseille, Nice et Montpellier, pour laquelle la mission est vraiment de se focaliser sur ce type de cellules, sur ce type de cancer, et ça marche bien parce qu'ils ont créé donc des cours nationaux qui permettent justement aux étudiants de se familiariser avec la biologie de ces cellules et qui permettent à des chimistes comme moi justement d'avoir accès directement à quels sont les grands enjeux dans le cancer en ce qui concerne ces cellules-là. Et donc ça, ce réseau donc se métastase pour utiliser une expression qui est familière à la région parisienne et maintenant en Europe, et c'est bien parce que ça permet justement aux gens qui n'avaient pas conscience de l'existence de ces cellules de se polariser sur des questions importantes. Vos travaux que vous nous avez expliqués sur l'aéronomycine, cette molécule que vous avez, dont vous avez détaillé l'action contre les cellules souches cancéreuses, ils ont été publiés, aujourd'hui ils sont validés, mais ils n'ont pas été intégrés à ce prix tétraédron. Est-ce qu'il va changer quelque chose pour vous, ce prix tétraédron? C'est un accélérateur de carrière, c'est quelque chose qui peut vous aider dans le futur à poursuivre vos travaux? Alors c'est certain. Alors c'est une manière de voir les choses. Une autre manière de voir les choses, c'est de dire que ça me donne davantage de responsabilité, je dirais, parce que les gens qui ont parrainé ce prix ont des exigences et une attente. Donc moi, je le perçois plus comme une responsabilité et un devoir de succès qu'autre chose. Maintenant, avoir ce prix, c'est sûr que c'est bien pour moi d'un point de vue psychologique, parce que ça me ramène à la chimie qui pour moi est la plus belle chimie, la chimie de Woodward et de Robinson. Alors, pour la petite histoire, Robinson, c'est le laboratoire dans lequel j'ai fait une partie de ma thèse avec Jack Baldwin à Oxford. Donc, Jack Baldwin a récupéré le labo de Robinson. Donc, c'est un des fondateurs de ce prix-là. Donc, ça me rappelle à mes origines et c'est un prix qui est émotionnellement important pour moi à ce niveau. Comment Comment est-ce que vous envisagez votre futur, justement, votre futur de recherche, ou sur quelle recherche êtes-vous en train d'avancer aujourd'hui, Raphaël Rodriguez? Eh bien, comme vous le savez, j'étais à Cambridge pendant 8 ans. J'ai décidé de rentrer en France parce que je pense que nous avons tous les ingrédients en France pour pouvoir continuer à faire de la recherche de pointe. Et mes deux collègues ici présents le montrent bien. C'est pas toujours facile parce que nous ne sommes pas, je pense, financés à hauteur des exigences et des grands problèmes de notre société. Donc notre métier consiste essentiellement à chercher de l'argent pour financer nos recherches, si bien qu'on se retrouve à chercher de l'argent et à ne plus réfléchir. Je pense que c'est problématique. Donc la plupart d'entre nous passent leur soirée, leur week-end et leur congé à compenser pour le temps de recherche que nous avons plus, justement pour faire de la recherche, pour vraiment faire notre métier. Et je pense qu'on peut garder du punch pendant les 15 premières années de notre carrière, mais très rapidement, je pense que les gens très rapidement s'éloigne de ça, parce que c'est pas physiquement réalisable d'être à la pointe en permanence en travaillant 80 heures par semaine pendant 30 ans. Et donc en France, si on veut être compétitif, il faut vraiment investir sur l'innovation de la recherche, investir sur les jeunes qui sont motivés, permettre aux jeunes qui sont motivés de rester en France et de pas partir. Et en ce sens, j'espère justement que ce prix tétraédron, ça sera un exemple pour mes institutions, et que mes institutions se poseront la question à savoir comment est-ce que quelqu'un comme moi a pu avoir ce prix, pourquoi c'est pas arrivé plus tôt, et comment on peut utiliser ce qui a été fait pour que ça arrive à nouveau. Et donc je suis optimiste sur le futur de notre pays. Voilà. Et si on parle d'investissement physique, je précise que par ailleurs, vous êtes aussi engagé auprès d'Amnesty International pour la défense des droits de l'homme au Zimbabwe, ce qui vous a conduit à faire ces courses complètement folles, notamment l'Ironman. Ça me colle à la peau, ce métal, je vous le dis. Ironman à Nice en 2009. C'est tout de même une course de 226 km. C'est ça. Que vous avez achevé en 13h31. Oui, donc il y a une autre dimension psychologique avec cette course, c'est qu'en recherche, comme je le disais tout à l'heure, c'est la frustration permanente, et c'est ce qui permet de rester aiguisé tout le long. Et souvent, on a l'impression d'être en contrôle de rien, et c'est extrêmement frustrant. Et donc, s'engager dans une course comme un Ironman, ça veut dire faire 20 heures d'entraînement par jour, arriver à gérer son effort. Et ça permet d'avoir un certain contrôle sur sa vie et sur sa destinée. Donc, ça m'a permis de récupérer un petit peu de fraîcheur, je dirais. Voilà. Oh, my nuclear. New Killer Star de David Bowie sur France Culture à 16h40. New Killer Star, c'est un peu ce qu'on pourrait, le qualificatif qu'on pourrait appliquer à nos trois chercheurs aujourd'hui, puisque nous recevons autour de cette table de la méthode scientifique trois étoiles montantes de la science et de la recherche française. Après Raphaël Rodriguez, après Audrey Desgranges, c'est au tour d'Olivier Touvenin. Olivier Touvenin, vous êtes maître de conférence à l'ESPCI, qui est l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de Paris. Vous faites donc partie des 11 Rising Stars, des étoiles montantes identifiées par la revue Nature dans son numéro du 20 septembre dernier. Donc des 11 scientifiques mondiaux les plus importants de l'année ou du futur peut-être. Le titre de l'article, c'est « The world at their feet ». Le monde est à vos pieds, Olivier Touvenin. Est-ce que vous avez le sentiment que le monde est à vos pieds? Alors pas du tout. Mon premier réflexe, donc quand il m'a envoyé un mail en disant on vous a sélectionné parmi ces 11 chercheurs. J'ai pensé à une erreur d'algorithme. C'est vrai. Donc, c'était effectivement une bonne nouvelle, mais je n'avais pas l'impression d'être particulièrement au-dessus d'autres doctorants, post-doctorants qui m'entourent. Quoi. Et même punition un peu que vos collègues, peut-être un mot pour résumer ce sur quoi portent vos travaux de recherche. Donc, alors, il y a deux aspects qui sont très différents. Le premier, qui est plutôt mon projet de thèse, où j'ai pu construire un microscope optique qui fait de l'imagerie 3D pour faire de l'imagerie intrinsèque. Donc, il va servir des propriétés naturelles d'un tissu pour venir, en fait, étudier sa structure et sa fonction. Et donc, éventuellement, si c'est le côté pathologique d'un tissu. Donc, ça, c'est un premier aspect. Et après, mon projet de post-doctorat que j'ai fait à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, qui concerne plus de la mécanique des fluides dans le liquide céphalo-rachidien chez le poisson zèbre. Et donc, en fait, qui étudie l'influence de ce flux et de ce liquide céphalo-rachidien sur le développement, et notamment le développement de l'axe du corps, avec des potentielles applications futures sur la scoliose. Alors, on va revenir évidemment sur ces travaux. Je vais vous poser la même question qu'à vos camarades également, sur cette question de la vocation. À quel moment, Olivier Touvenin, est-ce que vous envisagez, vous vous dites, ah tiens, la science, il y a quelque chose qui est en train de se passer et ça, j'aimerais bien aller y faire un tour. Alors, je n'ai pas particulièrement de souvenirs, mais ça me fait rigoler depuis tout à l'heure, parce que ma mère m'a dit il n'y a pas longtemps que au CP, apparemment, j'avais dit à ma maîtresse que j'aurais pris Nobel plus tard. Donc, voilà. C'est une belle ambition. Belle ambition dont je ne mesurais pas la portée, j'imagine. Mais il y a dans votre scolarité un moment où vous choisissez, où vous orientez spontanément vers un cursus scientifique? Oui, plutôt scientifique. Et en fait, c'est plus l'observation de la nature et du monde, en fait, qui m'a poussé vers la science, et notamment, en fait, ce qui me fascine, c'est la capacité des objets biologiques à générer des propriétés physiques très intéressantes. Parce qu'une fois de plus, on va voir comme d'une autre façon que Raphaël Rodriguez, mais vous aussi, vous êtes à cheval entre deux grandes disciplines. Vous avez fait donc vos études à Lyon, vous faites l'école normale supérieure, et vous dites justement que longtemps, vous avez hésité entre la physique et la biologie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Qu'est-ce qui fait basculer la balle dans un camp? Puisqu'à un moment donné, il faut bien choisir, même si après, vous allez réussir à réunir vos deux centres d'intérêt. Donc c'est ça, en fait, Donc, je pense que ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est le fonctionnement du vivant, et c'est poser la question de quelle approche à utiliser pour ce faire. Et donc, c'est un point de vue assez personnel, mais dans mon sentiment, et que la physique va plutôt arriver sur des mécanismes très généraux appliqués potentiellement à des tissus très particuliers, qui est en fait une démarche qui me parle plus, qui me convient mieux. Et donc j'ai décidé de suivre cette voie, et en fait dans les stages de recherche que j'ai pu faire, ça m'a mené assez vite à l'imagerie optique pour le vivant. Justement, comment s'organise déjà sur quoi porte votre doctorat? Comment est-ce que vous le choisissez? Est-ce que vous le choisissez vraiment? Est-ce que là aussi c'est le fruit de rencontres? Comment est-ce que vous aboutissez à votre travaux de thèse? Alors c'est un peu des deux en fait. J'avais fait un stage qui m'avait pas mal marqué en master 1, où je travaillais là encore sur le poisson zèbre, mais sur de l'optogénétique. Donc c'est une technique récente qui permet de venir activer des cellules et notamment des neurones grâce à la lumière. Et en fait, qui est très utilisée en biologie actuelle, mais le souci c'est que à cause de l'optique, en fait, on est limité aux parties plus superficielles des tissus. Et donc j'avais envie de proposer des approches pour aller plus en profondeur. Et notamment, j'avais écouté une conférence de Mathias Fink, donc qui était mon futur directeur de thèse, et qui utilisait des ondes acoustiques, et qui faisait plus ou moins de la super résolution acoustique. Et je me disais, on va combiner les deux. Et donc voilà, donc je contacte Mathias Fink avec ce projet en tête, et qui me dit, mais c'est génial, j'ai un projet en tête depuis des années, et je cherche un étudiant pour le faire. Et en fait, dans son idée, c'était que... Et donc l'idée qui a un peu commencé mon doctorat, c'est que les neurones puissent être piézoélectriques. Mm-hmm. Donc c'est-à-dire que quand ils sont actifs électriquement, ils vont générer une onde mécanique. Et donc à l'inverse aussi, si on les excite mécaniquement, ils pourraient être actifs électriquement. Et donc pour ça, on a discuté avec mon deuxième directeur de thèse, Claude Boccara. Et donc pour ça, on avait besoin d'un outil qui permettait de mesurer des déformations mécaniques, toutes petites, et à des échelles qui correspondent à l'échelle du neurone. Donc ça m'a amené à la création du microscope, qui est en fait le sujet principal de ma thèse. Où je me suis arrêté à peu près à l'étape 0,5 de mon projet initial. mais vous êtes en début de carrière, vous avez un peu de temps si vous voulez pour développer tout ça. Mais alors justement, comment quand on commence justement à faire de la recherche, plutôt on le comprend en physique, en biophysique disons, comment est-ce qu'on en arrive à monter, à avoir un projet de créer un microscope, et quel type de microscope avez-vous créé? Donc c'est ça, le moteur a été on voulait détecter des ondes mécaniques et donc des déplacements qui sont de l'ordre du nanomètre dans les tissus. Et donc ça, le problème c'est qu'un microscope classique a une résolution ou une sensibilité au déplacement de l'ordre de la centaine de nanomètres. Et c'était pas suffisant par rapport aux déformations qu'on voulait voir. Et donc on a utilisé un microscope qui s'appelle la tomographie à cohérence optique, un OCT, voilà, qui, si voilà. Des gens ont fait des examens oculaires, c'est voilà. Souvent utilisé en ophtalmologie. Et donc dans une configuration un peu particulière, mais donc qui a cette particularité d'être sensible aux déplacements qui sont de l'ordre de quelques nanomètres, voire centaines de picomètres, et ce à des vitesses de plusieurs centaines d'images par seconde. Donc on commence à arriver à pouvoir imager un neurone et un potentiel d'action, par exemple. En fait, ça n'a pas trop marché sur les cultures et sur les cultures de neurones. Mais par contre, on s'est rendu compte qu'avec ce microscope, si on regardait dans les tissus cette fois-ci, on était capable de voir plein de déplacements d'objets, donc notamment des organelles, des vésicules à l'intérieur des cellules, et qu'on était capable de créer un nouveau contraste qui nous permettait de voir si une cellule était active ou pas. Et en fait, on a un contraste indirect sur le métabolisme des cellules qui leur permet de créer de l'énergie et d'avoir un transport actif de tous ces objets qui la composent. Et alors que vous vous êtes improvisé, je ne sais pas, microscopicien, ou comment est-ce qu'on arrive, parce que c'est une chose de conceptualiser ce microscope, comment est-ce qu'on aboutit à sa construction, à sa fabrication? Donc, j'en ai fait un peu dans mes cours avant d'arriver en doctorat quand même, mais donc essentiellement le microscope que j'ai utilisé avait été développé par mon directeur de thèse, et en fait donc on l'a un peu amélioré, et c'est surtout du traitement du signal qu'on a fait, où, en fait le microscope qu'il avait inventé utilisait principalement la partie statique du signal. Et ce qu'on a apporté, c'est vraiment cet aspect dynamique où on voit les mouvements des objets, on les analyse pour comprendre le fonctionnement des cellules et la fonction des cellules. Ça, ces recherches-là, vous les avez faites à l'Institut Langevin? Oui. Et vous dites que ce qui vous intéressait quand vous êtes arrivé dans cet Institut Langevin, c'était finalement les allers-retours vraiment entre de la science très fondamentale, très théorique, et de l'application immédiate, ce que vous racontez finalement avec ce microscope en l'occurrence. Oui, et en fait, c'est vrai que mon directeur de thèse encore, donc suite à ce microscope qu'il a inventé, il a créé une start-up qui s'appelle LLTech et qui vient justement utiliser ce microscope dans les hôpitaux avec cette idée de venir détecter la, donc dans un premier temps la structure des tissus et voir si ceux-ci sont, sont endommagés au niveau des tumeurs et notamment avec l'idée de venir regarder les marges des tumeurs. Donc avoir ce microscope en péropératoire pour être sûr de venir couper la tumeur sur la, de manière suffisamment large pour pas qu'il y ait de résurgence de tumeurs. Mmh. Et de cellules métastatiques qui se promènent alentour, comme on l'évoquait tout à l'heure. C'est un microscope qui fonctionne pour qu'on essaie de comprendre un peu mieux à l'intérieur de son fonctionnement avec deux bras, c'est-à-dire un bras strictement sensu mécanique et un autre qui est un interféromètre. Oui, c'est ça. Donc, en fait, le microscope lui-même est un interféromètre. Il faut nous réexpliquer ce que c'est qu'un interféromètre, Olivier Touvenin. Donc, le principe, c'est que donc, par rapport à un microscope normal, où il y a un seul bras qui va venir récupérer la lumière qui vient de l'échantillon qu'on a balancé sur l'échantillon, l'idée est qu'on va utiliser un deuxième bras et on va regarder la lumière qui revient des deux bras. Et notamment, il y a une propriété de la lumière qui fait que s'il y a deux faisceaux lumineux qui arrivent sur une caméra ou sur n'importe quelle surface, on va avoir la somme des intensités des deux faisceaux et on va avoir une modulation supplémentaire si les deux faisceaux interfèrent. Et dans le cas de la lumière blanche, par exemple, on peut montrer que cette modulation de la lumière, elle n'intervient que si les deux bras font exactement la même distance. Et donc ça nous permet de venir sélectionner la profondeur d'imagerie dans le tissu en venant calquer en fait dans le bras de référence exactement la même distance que la lumière se serait propagée dans le bras échantillon. Si on veut prendre une analogie avec quelque chose dont on a beaucoup parlé dans cette émission, c'est les détecteurs d'ondes gravitationnelles qui fonctionnent exactement sur le même type de... Donc sur le même principe, sauf que dans ce cas-là, il y a des bras qui font 3 km, ce qu'on ne peut pas se permettre dans un labo parisien, notamment à côté du métro parisien, qui crée un certain nombre de vibrations. Un aussi, petit peu de bruit, c'est ça, peut-être. Voilà. Et donc, sachant aussi qu'un des points clés est de ne pas envoyer trop de lumière sur l'échantillon non plus. Donc là, on peut se permettre d'avoir plusieurs watts sur le... Pour détecter des ondes gravitationnelles, on ne peut pas brûler une cellule. Quoi. Non, évidemment. Après cette thèse, donc vous continuez à utiliser cet appareil et vous l'appliquez, vous nous l'avez dit tout à l'heure, au poisson zèbre à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Expliquez-nous comment vous appliquez ceci à cet examen du liquide cérébraux. Spinal. Céphalorachinien, c'est ça, je cherchais. Voilà, céphalorachinien. Donc en fait, c'est quelque chose que j'ai fait pendant ma thèse. J'ai collaboré avec le groupe où je suis allé plus tard en postdoc, où on imageait en fait les neurones qui sont en contact de ce liquide, ce qui est en fait la spécialité du groupe où je suis allé. Et on s'est rendu compte qu'à l'intérieur du liquide céphalorachidien, il y avait un certain nombre de petites particules, qui sont des vésicules sécrétées par les neurones, par quelque chose dans l'organisme, et donc qui ont le doux nom d'exosomes. Et qu'on était capable d'imager avec cette technologie, notamment parce qu'on a cette sensibilité extrême au mouvement. Et donc ça nous a permis de voir que le flux de ce liquide céphalorachidien était très particulier, ce qui a amené à mon projet de postdoc. Mais en gros, donc on regarde au centre de la moelle épinière de ces poissons zèbres, il y a un canal qui fait une dizaine de microns de diamètre, et le flux qu'on observe est bidirectionnel. Ça, c'est très particulier. Si on regarde, par exemple, dans le cas du cœur, on a soit des artères, soit des veines pour amener le sang soit dans un sens, soit dans l'autre. Et là, un même canal sert à transporter dans les deux sens. Et donc, le but de mon postdoc, le microscope que j'ai créé nous a permis de se rendre compte de ce flux. Et l'objectif de mon postdoc a été d'analyser ce flux et d'expliquer en fait ce qui va le créer et quelles fonctions ça peut avoir dans le développement. On va arriver, il nous reste quelques minutes, le temps s'écoule rapidement, à ce papier de Nature. Donc vous avez été prévenu, vous savez pourquoi vous avez été sélectionné, est-ce que ça a changé quelque chose aujourd'hui au début de cette carrière qui est la vôtre, Olivier Touvenin? Donc alors, en fait, c'est là encore, c'est assez rigolo parce que... Vous êtes sur les 11, vous êtes le seul français. Hein. Oui. J'ai reçu un mail donc de l'éditeur la veille de mon concours de l'oral du concours de maître de conférence. Et donc le mail dit, on a créé un algorithme qui permet de classer apparemment les chercheurs. Et on a des gens qui sont premiers dans un certain nombre de disciplines. On a choisi 11 disciplines et dont l'optique est... Et apparemment, vous êtes dedans. Donc voilà, on va faire un article sur vous, on va vous interviewer, etc. Et donc, c'était là, encore une fois, la veille de mon concours, donc ça m'a reboosté un peu moralement. Et donc, je me suis empressé de changer mon PowerPoint pour l'oral, pour le rajouter. Sinon, intrinsèquement, ça, pour l'instant, je vois pas encore la portée que ça peut avoir avec ceci. Donc, ça me permet d'être ici aujourd'hui déjà. Et de venir parler de vos travaux. Voilà. Et donc, de manière plus générale, c'est vrai que tout ce qui est financement de la recherche, en fait, marche un peu malheureusement. Est complètement non linéaire, et plus on a de prix et de reconnaissance, plus on a de chance d'avoir ces financements, donc potentiellement ce sera utile, mais là c'est un peu tôt pour le dire. Vous venez tout juste, hein, vous avez commencé vos cours à l'ESPCI jeudi dernier, voilà. Bienvenue, bravo pour ce nouveau poste. Un mot sur votre futur, comment vous l'envisagez aujourd'hui, Olivier Touvenin, la suite de vos recherches notamment? Ouais, c'est un peu difficile, encore une fois, c'est un petit peu tôt pour le dire. J'ai encore un certain nombre de choses à poursuivre, que ce soit avec mon post-doctorat et ma thèse à la fois. L'idée de l'ESPCI, c'est qu'on est très libre pour en fait monter une équipe dès le début. Et donc, c'est quelque chose qui va probablement se faire avec le temps et avec les enseignements qui passent. Je vais devoir faire des demandes de subventions, avoir des étudiants. Et donc, sur la suite, par exemple, du microscope que j'ai créé en thèse, pour le rendre en fait avec une dimension en fait beaucoup plus rapide, pour le faire en trois dimensions par exemple. Et vous souhaiteriez également réussir à en faire baisser le coût pour qu'il puisse qu'il y ait plus de d'équipes de recherche qui puissent s'approprier ce type de technologie. Ouais, c'est ça. Ça aurait pas forcément de sens de faire seulement un appareil qui coûterait très cher et dont personne ne pourrait se servir. Un dernier mot, peut-être un conseil pour les jeunes chercheurs qui nous écoutent, un mot à leur attention pour qu'ils puissent un jour se retrouver derrière ce micro ou avec un petit encart dans Nature ou dans Science ou dans Lancet. Oui, alors j'aurais un peu de mal à le donner. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de formule toute faite, mais c'est vrai que dans mon cas, j'ai suivi en fait les projets qui venaient au fur et à mesure et qui m'intéressaient et en fait ça a marché. Donc. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, c'est déjà la fin de cette émission. Merci Olivier Touvenin, merci Raphaël Rodriguez, merci Audrey Desgranges d'être venu nous parler de vos travaux autour de cette table. Bon courage pour la suite, on vous souhaite évidemment le meilleur en espérant vous recevoir à nouveau prochainement dans les années qui viennent pour d'autres réalisations et d'autres récompenses. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Yves Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulf, Francine Lozen, Tom Humdenstock, Massimo Bellini à la réalisation, et c'était Amine Almansari à la technique. Dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain, il va falloir un gros gâteau, un très très très très gros gâteau si on veut mettre dessus toutes les bougies, puisqu'il y en a 130 exactement. Ce sera les 130 ans d'inauguration de l'Institut Pasteur. On va vous raconter l'histoire de cet institut noble et nous en parlerons donc demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.